heures d'heure. 187, 130 000 en petite coupure. Compteur bloqué sur la A7 intérieure. Clair de vachette au courant de tes faits et gestes. On quadrille, on fait pas un bruit. Pas le temps pour la comédie, t'es solvable. On te donne un prix. Drogue blanc, ton sur ton longue veste comme dans les feuilletons. Des bonnets trouvés dans un vito. Et je suis de Niro dans Vito. Fingueur, crime organisé. Association de malfaiteurs. T'as chanté comme si tu m'avais fait. Plus personne va te donner l'heure. Toute la nuit dans la gove, on te vise avec des lasers. Argent propre, argent sale, tout âge a rempli mon sac. J'ai des soucis, j'ai du goya, des pare-balles dans mes couverts. Casserole et ça fait du crack. Longtemps qu'on agresse, reste au trait, je l'appelle baby. Et on fait tomber la neige, tout âge a rempli mon sac. Y'a des morts à chaque saison, et j'ai trop de rêves en prison. On manque pas d'ambition, une casserole et ça fait du crack. J'fais une heure, c'est pas la peine. J'intertonne et j'colle des chargeurs. Y'a plus d'âme et y'a plus de cœur. 607 comme le GIGN. Lunettes noires, plus tard j'arrive des ténèbres. Du bon ou du mauvais côté du pays. Fantôme dans la fanta. Si on tâche, nous y'a pas l'ADN. M4, j'mets en travers le BM. Basta, j'en ai 500 ou Bolen. Comme Blade, j'vis du côté PM. Grande taille, comme si j'suis du domaine. Strangue, la son quand je la baise. Minimum 0,8 quand je base. Y'a du sang, j'vais lui écrire un poème. Stratège, on fait tomber la neige. Marseille, j'y vais LIVS. Waran, j'fume ma Havane. J'ai déjà mis à l'abri ma terre. Si j'paie, du Hermès à madame. Toute la nuit dans la gove, on te vise avec des lasers. Argent propre, argent sale. Foutage, j'ai rempli mon sac. J'ai des soucis.